Chapitre 248. L'évocation d'Allah, dhikr, le matin et le soir. Allah Ta'ala dit: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Et évoque ton Seigneur en toi-même avec humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate 7, verset 205. Et exalte sa gloire aux extrémités du jour. Sourate 20, verset 130. Et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur, soir et matin. Sourate 40, verset 55. Dans des maisons, des mosquées, qu'Allah a permis que l'on élève, et où son nom est évoqué, le glorifie en elle matin et après-midi, des hommes que ni le négoce ni le troc ne distrait de l'évocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés, ainsi que les regards. Sourate 24, versets 36 et 37. Nous soumîmes les montagnes à glorifier Allah soir et matin en sa compagnie. Sourate 38, verset 18. 1451. D'après Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: personne ne viendra le jour de la résurrection avec mieux que celui qui dit 100 fois le matin et 100 fois le soir, gloire et louange à Allah. Subhanallahi wa bihamdi, à part celui qui l'aura répété autant ou davantage. Muslim. 1452. Selon Abu Hurayra, radiyallahu anhu, un homme se rendit auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, en se plaignant: ô messager d'Allah, j'ai énormément souffert hier de la piqûre d'un scorpion. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, si tu avais dit le soir, je cherche protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, il n'aurait pu te nuire. Muslim. 1453. D'après Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, disait le matin: ô Allah, grâce à toi nous nous retrouvons au matin, et grâce à toi nous nous retrouvons au soir. Grâce à toi nous vivons, et grâce à toi nous mourons, et vers toi se fera le retour. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur. Le soir, il disait: ô Allah, grâce à toi nous nous retrouvons au soir, grâce à toi nous vivons, et grâce à toi nous mourons, et vers toi se fera le retour. Allahumma bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur. Abu Dawud et At-Tirmidhi a dit: hadith hasan. 1454. Selon Abu Hurayra, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhuma, demanda: ô messager d'Allah, indique-moi des paroles que je puisse répéter le matin et le soir. Il lui répondit, alayhi salatu wassalam, dit: ô Allah, créateur sans modèle préalable des cieux et de la terre, toi qui connais l'invisible et le visible, Seigneur et Maître de toutes choses, je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Je me réfugie auprès de toi contre les méfaits de mon âme, contre le mal de Satan et son appel au polythéisme. Allahumma fatir as-samawati wal ard, 'alim al-ghaybi wash-shahada, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa sharri ash-shaytani wa shirkihi. Il ajouta, alayhi salatu wassalam, répète ceci le matin, le soir et lorsque tu veux dormir. Abu Dawud et At-Tirmidhi a dit « hadith Hassan Sahih ». 1455. Selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de dire le soir: « nous sommes au soir et la royauté appartient à Allah. Louange à Allah, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, unique, sans associé. À lui la royauté, la louange, et il est capable de toutes choses. » Le narrateur a un doute concernant cette dernière phrase. Seigneur, je te demande le bien de cette nuit et le bien qui vient après elle. Je te demande ta protection contre le mal de cette nuit et le mal qui vient après elle. Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre la paresse et la décrépitude. Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre le châtiment du feu et les épreuves de la tombe. Amsayna, وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Le matin, il disait la même chose en commençant par « Nous sommes au matin et la royauté appartient à Allah. » « أسبحنا وأسبح الملك لله. » Muslim. 1456. D'après Abdullah ibn Khubayb, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit « Récite la sourate Al-Ikhlas, dit « Il est Allah l'unique » et les deux protectrices, Al-Mu'awwidhatan, les deux dernières sourates du Coran, trois fois le soir et le matin, elles te suffiront contre tout mal. » Abu Dawud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. » 1457. D'après Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque dit trois fois chaque matin et chaque soir, au nom d'Allah, grâce au nom duquel rien ne nuit sur terre ni dans le ciel, et il est l'omniscient qui entend tout, Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, s'est préservé de tout mal. » Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. »